Chapitre 10 Les Jaguars. Bientôt l'on entendit des miaulements effrayants, et Serpando prononça ces mots. « Les jaguars en bande !» Il prit une autre direction. Mademoiselle de Pellouer demanda « Nous évitons donc ces jaguars ?» Et le vieux sou de répondre « Il y en a trop !»« Nous sommes 8 !»« Il faut des hommes pour tenir les chevaux !»« Attachons-les aux arbres que l'on voit près de nous à gauche !» Un seul de tes braves les gardera, et nous aurons encore 7 fusils. Et nous aurons affaire à 10, 15, 20 jaguars, peut-être. C'est la saison où ils s'assemblent, où ils se battent. Écoute-les rugir. Approchons-nous au moins. Voyons-les, comptons-les. On gagna contre le vent, on attacha les chevaux et l'on marcha doucement. Bientôt les jaguars furent en vue. Une scène superbe se déroulait au fond d'une dépression de terrain. Des mâles, au nombre de 17 ou 18, il était difficile de les compter, se battaient avec une fureur inouïe. 5 femelles, spectatrices impassibles, regardaient cette lutte enragée. Le lecteur a dû voir des chats aux prises. Qu'ils grandissent ces chats à la taille d'un jaguar et qu'ils les fassent combattre en imagination, il se fera une idée de ce qui se passait. C'était effrayant. Plusieurs de ces animaux, hors de combat, léchaient leurs blessures. Mademoiselle de Pellouer dit « C'est sur ceci qu'il faudra d'abord tirer. Ne se battant plus, ils verraient d'où partent nos coups de fusil. Quand ils seront morts, ils ne verront plus rien. » Elle se mit à rire. Les autres, reprit-elle, continueront à se battre, au moins pendant quelques instants. « Tu veux tirer ?» s'écria Serpando, stupéfait de tant d'audace. « Je veux les tuer tous !» Les yeux de Mademoiselle Pellouer étincelaient et sa figure avait pris un air étrange. Haussée sur la pointe du pied, elle semblait faire effort pour rester à terre. On eût dit qu'elle allait s'envoler et planer au-dessus du combat. « Moi, » dit-elle avec un accent d'autorité irrésistible, « et mon Amazone, nous tirerons. Vos fusils, je m'en suis rendu compte, portent encore très juste à 300 mètres et il n'y a que 250 mètres d'ici au jaguar. » L'un nous passera les armes et les autres rechargeront. Un homme qui a du sang-froid peut charger 3 fusils en 1 minute. Vous êtes 5, vous pouvez donc nous fournir 15 fusils rechargés à la minute. De plus, nous avons les 7 qui sont tout prêts à faire feu. Allons, rangez-vous. Ne vous occupez pas de ce qui se passera et ne songez qu'à recharger. Toi, Serpando, tu nous passeras les fusils et tu repasseras les vides à tes hommes sans te hâter. Surtout que l'on ne se presse pas. Nous aurons le temps. » Elle parlait avec tant d'énergie calme que personne ne fit d'observation. « Plantez vos lances devant vous, dit-elle. À tout hasard, bandez vos arcs. » Puis, mettant genou à terre à côté de son Amazone qui en fit autant, elle dit à Serpando « Entre nous deux. » Alors les jeunes femmes tirèrent. Coup superbe, 2 jaguars foudroyés. Il y eut un murmure. Mademoiselle de Pellouer le réprima. « Silence, chargez !» à son Amazone. « Prends le premier blessé. » Celui-ci sauta en l'air en recevant une balle dans l'épine dorsale. Mais il ne faisait que bondir verticalement, sans avancer. Ça lui était impossible. « Danse !» disait Nathalie. « Danse puisque ça t'amuse, mais tu n'en as pas pour longtemps. » Ne pouvant le viser à l'œil, elle lui avait cassé la colonne vertébrale. Mademoiselle de Pellouer avait troué le cœur d'une femelle qui eut une agonie violente. Quelques secondes plus tard, 2 autres femelles étaient l'une foudroyée, l'autre évidemment blessée à mort. Les 2 autres, enfin, furent tuées après 3 coups tirés. Tout ce massacre ne dura pas plus de 30 secondes. « Voilà, dit Mademoiselle de Pellouer, des témoins gênants supprimés. Et vous voyez, ils se battent toujours. Rechargez toutes les armes. » Et souriant au serpent d'eau. « Tu vois bien que j'avais raison en te disant que nous avions le temps. » Le vieillard ne répondit rien. Les 2 jeunes filles, cependant, épaulèrent de nouveau et tirèrent 6 coups de fusil sans que l'on pût juger du résultat. Les combattants formaient masse. Tout à coup, la lutte cessa. Comme 2 balles blessèrent 2 d'entre eux, ils s'aperçurent qu'on les canardait et ils virent d'où partaient les coups. Ils chargèrent avec furie. Dès lors, ils se présentaient de face et les jeunes filles visèrent les têtes. Il y en avait qui ne pouvaient suivre les autres qu'à distance. Cela était blessé. mais il y en avait 8 encore indemnes à 50 pas des jeunes filles. Mais elles eurent le superbe calme de ne pas activer le feu. Les 3 derniers furent foudroyés presque à bout portant, à tel point même que pour éviter le suprême coup de griffe de l'un d'eux, les jeunes filles se jetèrent qui à droite qui à gauche. Mais d'un coup de lance, Serpando finit l'agonie de l'animal. Alors, Mademoiselle de Pellouet regarda le champ de bataille, puis elle dit à Serpando « Ça n'est pas si beau, si imposant qu'un lion, un jaguar. » « Je n'ai jamais vu de lion, dit le Sioux, mais je crois que de ma vie, je n'ai affronté un aussi grand péril. Il faut croire que le grand esprit te protège et qu'il a charmé tes balles. » Les braves, cependant, causaient gravement entre eux. Ils décidaient de quelque chose. Enfin, l'un d'eux parla au serpent d'eau, et celui-ci dit à Mademoiselle de Pellouet. « Désormais, nous, témoins de ton adresse, nous t'appellerons Balle Enchantée. Mes braves le veulent ainsi. Ce nom, peu d'hommes ont eu l'honneur de le porter. » « C'est un baptême de sang, dit la jeune fille en souriant. Mais elle était très contente, car elle le savait, les Indiens ne prodiguaient pas ce glorieux surnom, illustré par quelques trappeurs et quelques Indiens héroïques, d'une adresse extraordinaire. S'adressant à l'Amazone, le serpent d'eau lui dit au nom des braves. « Toi, tu seras désormais Balle Infaillible. » Mais il envoya prévenir la tribu et accourut au plus vite. « Les guerriers à cheval d'abord. » On juge de l'ovation qu'ils firent aux jeunes filles. Assez longtemps après, les femmes et les enfants avec les chiens. On dépouilla les jaguars. Peau et viande furent emportées, car la chair blanche du jaguar ressemble à celle du chat, et l'on sait combien celle-ci ressemble à celle du lapin. Il était destiné à être fumé. La rentrée au camp se fit en chantant les louanges des jeunes filles. Tous les peuples primitifs sont improvisateurs. Les cannibales du Congo, nos Soudanais, nos Sénégalais, chantent comme les Indiens les louanges d'un triomphateur. Et chose bizarre, partout c'est sur le même air de marche. Et cet air est celui de la Nigus-Gus-Gus, le plus vieux des airs bretons. Un guerrier ou un brave ou une jeune fille improvisait un couplet. Tous le reprenaient en chœur. Puis le refrain éclatait. Elles ont vaincu les jaguars, nous emportons les fourrures. Elles orneront nos wigwams en souvenir des 2 squaws qui ont vaincu tant de jaguars. Balle enchantée, balle infaillible, dans 100 hivers, nos enfants chanteront encore vos noms. Ce triomphe barbare avait sa splendeur et un très grand caractère. En tête, le vieux serpent et ses 5 braves, leurs chevaux chargés de fourrures auxquels on avait conservé les têtes et les pattes. Tête menaçante, tête auxquelles les dernières fureurs de l'agonie donnaient une expression terrible. Pattes puissantes armées de longues griffes acérées. Et derrière ces porteurs de dépouilles, les 2 jeunes filles souriantes et charmantes personnifiaient 2 races. Puis venaient les Sioux à cheval, dans leurs grands manteaux d'apparat brodés et peints, les flammes des lances flottant au vent, les chevaux scandant le chant de leurs pas bien cadencés. De temps à autre, l'un d'eux renâclait fortement, en sentant l'odeur des jaguars, et une lutte s'engageait entre le cheval et l'homme, centaure superbe toujours vainqueur. Plus loin, les femmes s'avançaient, chargées de quartiers de venaison. Chair sanglante, profit de la victoire. Çà et là, au milieu des mers, les enfants marquant la mesure du champ et frappant des pierres l'une contre l'autre. Puis les chiens, la queue et la tête basse, craintifs aux senteurs des grands fauves. Le chant barbare retentissait, rauque, sonore, entraînant. Au refrain où les voix donnaient toute leur ampleur, la meute hurlait lamentablement et l'effet était saisissant. Scène sauvage en sa simplicité guerrière. Dès que l'on fut arrivé au camp, les feux s'allumèrent. Aussitôt, les guerriers piquèrent les cœurs des jaguars avec des lances non empoisonnées et ils dansèrent la danse du cœur. Le cœur de l'ennemi, ours ou jaguar. Mais voilà qu'au lieu d'un seul, il y en avait 23. Et quand la tribu fut fatiguée de hurler et de danser, on termina la cérémonie en grillant et en mangeant les cœurs, pour s'en donner. Ainsi se termina cette chasse aux jaguars, dont le souvenir se perpétuera chez les Sioux tant qu'il restera un Sioux. Mais les Anglo-Saxons y mettront bon ordre, et les Sioux disparaîtront.